Le deuxième dialogue. Pour aller à la gare, s'il vous plaît, monsieur. La gare SNCF ou la gare routière? La gare SNCF. Ah oui. Prenez la première rue à droite. La première rue à droite. Oui, madame. La première à droite. Puis, continuez tout droit. Jusqu'au théâtre. Tout droit jusqu'au théâtre. Oui, tout droit jusqu'au théâtre. Là, vous tournez à droite après les feux. Je tourne à droite après les feux. Oui, madame. Et la gare est sur la droite. Et la gare est sur la droite. C'est ça. C'est ça. C'est loin? Non, madame. C'est à 20 minutes d'ici. 20 minutes? Mais je suis à pied. Oh, monsieur.